بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض اليوم الدرس السادس واربعين وندخل في فصل جديد وهو الإيمان باليوم الآخر. Nouveau chapitre qui est la foi en le jour dernier, qui est parmi les piliers de la foi. قال المؤلف رحمه الله تعالى كم عدد الدور في السؤال الثامن وسبعين بعد المئتين 278e question. Combien est-il de demeure, c'est-à-dire pour l'homme dans sa vie? قال ثلاثة, il y en a trois. الدار الثانية دار الدنيا, ce bas monde, la vie mondaine. والدليل قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, et que la vie de ce bas monde n'est que jouissance et illusion. On ne jouit que d'illusion plutôt, n'arm. Al-Imran, famille d'Imran, verset 185. Thumma qala al-barzakh, ça c'est la vie intermédiaire, dans la tombe. Wa dalil qawlu ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yawmin yub'athun, et qu'il y aura après cela un barzakh dans lequel seront ressuscités. Ah, c'est le mu'minun, verset 100. C'est la vie dans la tombe. Celle qui a lieu avant l'entrée au paradis ou au feu. Thumma thalithan ad-dar al-akhirah, la maison dernière, la dernière demeure. Wa dalil qawlu ta'ala mughbiran 'an mu'min ali fir'aun inna ma 'adil hayatud dunya mata'un wa inna al-akhirata ila dar al-qarar. Il a dit que ce bas monde n'est qu'une illusion et que la vraie demeure celle de l'au-delà. Ghafir, pardonneur, verset 39. Et c'est pour cette demeure là que nous aurons aujourd'hui, car c'est celle-là qui est la maison qui demeurera éternellement, ou le feu, ou le paradis, avec pour certains de ceux qui sont des gens du paradis, un passage au feu. Thumma qala fi su'al at-tasi' wa sab'in ma'a mi'atayn 279e question. Uzkur thalathata min asma'il qabr, c'est trois noms parmi les noms de la tombe. Awalan Ya al-Qabr, la tombe, tout simplement. Ma'aruf. Après, il y a Al-Jadath. On l'appelle comme ça également. Kafikullah Azza wa Jal. On nufira fi sur. Fayza'um min al-Ajdathi ila Rabbihim yansilun. Lorsqu'il sera soufflé dans la trompe, tu les verras sortir. Justement, l'Ajdath, là, c'est les tombes, vers leur Seigneur. Yassin, verset 51. Donc, on l'appelle également Jadath. Wa kazalik al-Bayt. Comme la maison, la demeure. C'est l'un des noms de Al-Qabr, de la tombe. Wa ad-dalil hadith Abi Dharr qala kuntu khafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hina kharajna min hashi al-Madina fa qala ya Abi Dharr araita in an-nas matu hatta yakunu al-bayt bil-'abd fa kayfa anta sani' qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala tasabbar. Il a dit le Nabi sallam Abu Dharr, ô Abu Dharr, vois-tu que si jamais les gens devaient mourir à tel point que leur maison serait leur tombe, en fait, que ferais-tu? Il a dit, Allah et son Seigneur sont plus savants. Il a dit, alors patiente, patiente. Et le hadith a été rapporté par Ahmed, authentifié par Al-Albani, rahimahullah ta'ala, également Al-Shir Mokbel. Thumma qala fi su'al al-thamin ba'da mi'atayn, 280e question. Ma hiya awwal manazil al-akhirah, quelle est la première demeure de l'au-delà? Justement, c'est Al-Qabr, la tombe. Comme a dit le hadith Othman, قال النبي صلى الله عليه وسلم Al-Qabr awwal manazil al-akhirah, que la tombe est la première demeure de l'au-delà, rapportée par Othman. Ou plutôt, ouais, non, selon Othman. Radiallahu anhu. Et le hadith rapporté par Ahmed et a été rendu Hassan par Al-Albani. وكذلك الوادعي رحمه الله. قال في السؤال ال 71 بعد ال 200 هل في القبر نعيم وعذاب؟ Est-ce que dans la tombe il y a des délices et des châtiments? قال في الجواب نعم في القبر نعيم وعذاب لمن كان له اهل, qu'il y aura des châtiments ou des délices pour celui qui le mérite. Celui qui mérite aura le châtiment Le châtiment de la tombe n'inclut pas forcément un takfir ou une éternité dans le feu. Et le châtiment du mécréant n'est pas comme celui du croyant. Celui du mécréant est beaucoup plus dur. Et ça, c'est une mas'ala sur laquelle beaucoup de gens ont dévié, ont prétendu qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe, car soi-disant, ils auraient ouvert les tombes, ils n'auraient rien vu. Ça, ce sont des choses de l'au-delà, qu'on ne voit pas en ce bas monde. Donc cet argument-là est complètement faible. Et le dalil, le hadith rapporté par Aïcha, radiallahu anha, أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. Il lui a dit que Aïcha a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم à propos du châtiment de la tombe. Il lui a dit ce châtiment est véridique. Il est réel, il existe. Apporté par Al-Bukhari. وحديث أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il invoquait lors de après son tashahhud dans la salat, disait: Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment du feu, contre la contre l'épreuve justement que l'on endure dans cette vie, ainsi que lors de la mort, et ainsi que de l'épreuve du Messie Dajjal. Messie Dajjal. Le hadith, c'est les mutabakun alayhi. Et là, dans une version, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de dire après le tashahhud. À ta part que certains ulama voyaient que celui qui ne prononçait pas cette dua recommençait sa salat. C'est leur avis. D'accord ? C'est leur avis par rapport à cela. قال ومن الأدلة على نعيم القبر حديث البراء رضي الله عنه وفيه فيقال ألبسوا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. Et donc parmi les preuves justement des délices de la tombe, il y a le hadith rapporté par Al-Bara رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Habillez-le du paradis et ouvrez-lui la porte vers le paradis dans sa tombe. Et de là, lorsque sa tombe sera ouverte, il lui viendra un souffle venant du paradis comme une forme de brise, de vent, et son odeur. Et sa tombe lui sera élargie. On va dire à perte de vue. À perte de vue. Et c'est ce qui attend ça, le croyant qui est digne de recevoir ce délice dans sa tombe. Min rahmatillahi ta'ala. Thumma qal fi su'al athani wa thamani ba'da al-mi'atayn. 282e question. Fi ay sura qawluhu ta'ala an-nar yu'raduna 'alayha uduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adhab. Dans le sens où elle a dit que le feu, ils y sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure aura lieu, faites rentrer Pharaon, les gens de Pharaon, au plus dur des châtiments. Donc ce verset démontre qu'il y a un châtiment avant celui du feu éternel. Car ils sont exposés au feu matin et soir, et cela a lieu avant que l'heure n'arrive. Et après que l'heure soit déclarée, et elle a eu lieu dans le Coran, elle a dit que il ordonne de faire rentrer les gens de Pharaon au plus dur le châtiment. Ce qui prouve que le châtiment, le premier qui arrive, n'est pas celui du feu de l'enfer éternel. Donc ce dalil dans le Coran est le plus clair. Il y en a d'autres, mais ils sont sujets à interprétation. Alors que celui-ci, il est clair. Et ce verset est dans Sourate Ghafir, pardonneur. C'est le verset 46. هذا الذي أخذنا اليوم ونسأل الله أن يحفظنا ومن عذابه في القبر ومن ما يحصل لمن لم يكن من أهل طاعته يوم القيامة وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.